La 16e conférence du Conseil de l'Institut asiatique des études du Juche a eu lieu le 17 courant à Colombo, Sri Lanka. Y ont pris part l'administrateur général, le secrétaire général et les administrateurs de l'Institut asiatique des idées du Juche. On y a dressé le bilan des activités du passé du Conseil et a discuté le projet de ces activités.